T'as la mini caméra de malade. Comment tu fais pour les croquettes? Pour les croquettes? Bonjour tout le monde. Je vole. À mon grand désarroi. Puis j'habite avec un travailleur quand même. On a tiré au sort, et voilà. Qui n'est même pas là. Je vais vous parler. Alors, d'abord, faut dire que je ne représente personne ici. Je ne parle pas pour le réseau ou qui que ce soit d'autre. Je vais juste essayer d'exprimer l'une ou l'autre chose en essayant de ne pas être trop confus. Alors d'abord, chose importante, la même action a lieu dans cette ville. Plus ou moins simultanément. Donc, bravo tout le monde. Plus ou moins simultanément, parce que la Louvière et Charleroi, ça commençait plus tôt. Je pense qu'ils sont vraiment pressés d'obtenir cette abrogation, à mon avis. Et donc, ils se sont dit, ne perdons pas de temps. Tout ça est très bien. C'est pas souvent qu'on voit ce genre de truc. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire là, maintenant? On va partir d'ici. On va partir du CPS. On n'a pas envie d'y rester, pas du tout. On s'est fait virer de l'ONEM comme ça, claque, pour le bien du pays, qu'ils ont dit. Pour faire des économies, on coûte trop cher, il paraît. Vous avez qu'à trouver du travail. 3 ans, disait... comment il s'appelle encore? Peters. 3 ans, c'est amplement suffisant pour trouver du travail, ils disent. Quand on cherche, on trouve. Après, si vous ne trouvez pas, tant pis pour vous, faut pas vous plaindre. Faut pas vous étonner de vous faire exclure. Non. Nous, on sait qu'il n'y en a pas du travail. Et alors, de toute façon, direction CPS. Au CPS, ils en prendront maximum 1 sur 2, et encore. Et ceux qui sont pris, ils les payeront cher, les quelques centaines d'euros qu'on daigne leur donner. Et ceux qui sont pas pris, c'est qu'ils en ont pas vraiment besoin, en fait. Donc ils se démerdent comme les autres, puis voilà. Non, on n'est pas d'accord. On se barre d'ici, et on rentre à l'ONEM. Hors de question de se laisser mettre à la porte de chez nous, comme ça. Parce que l'ONEM, c'est chez nous. Alors, c'est bizarre de dire ça. L'ONEM, c'est chez nous. Aujourd'hui, en tout cas, ça nous paraît vraiment vachement bizarre. Et pourquoi? Parce qu'on s'est fait intoxiquer. Intoxiquer par l'idée que le chômage, c'est un cadeau qu'on nous fait. Un cadeau des patrons et du gouvernement. Non, c'est pas le cas. Elle est à nous, la sécu. Elle est alimentée par la richesse que nous produisons. C'est à nous à l'organiser, la sécu. C'est à nous de prendre les décisions qui la concernent. C'est pas au patron à le faire, ni au gouvernement. Elle est à nous, la sécu. Et c'est pour ça que nous, on rentre chez nous. Donc voilà, c'est simple. On va partir d'ici et on va aller vers l'ONEM. Et là, nous demanderons à l'administrateur général de signer un communiqué de presse. Un communiqué très simple qui démontre que cette mesure est tout bêtement inepte. Alors, je ne vous en dirai pas plus maintenant, faut maintenir un peu le suspense. On vous lira devant le NEM le communiqué. On vous en donnera quelques copies, je ne sais pas si on aura assez. Et puis, il y a un mais, sur le chemin de l'ONEM, il y a le siège du Parti Socialiste. Au siège du Parti Socialiste, il y a Elio Di Rupo. Et Elio Di Rupo, c'était le premier ministre du gouvernement qui a pris cette mesure. Merci Elio, c'était il y a environ 3 ans. Maintenant le PS, il n'est plus au gouvernement et Elio, il n'est plus premier ministre. Alors voilà, ce qui devait arriver arriva, son cœur, il saigne à Elio. C'était une mauvaise mesure, il faut la supprimer. Alors nous on s'est dit, chiche. Donc, sur le chemin de l'ONEM, on va s'arrêter au siège du PS. Et on va demander à Elio de signer une lettre destinée au mandataire du PS. Alors celle-là aussi, on vous la lira sur place, et on distribuera des copies jusqu'à rupture des stocks. Cela dit, il y a un petit problème. Di Rupo, il sera pas là. Di Rupo, il est à Namur, il peut pas être là, c'est pas possible. Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient au PS, j'en témoigne. Ils ont même proposé de rencontrer Anthony. Alors nous on a dit non, merci, c'est gentil, vous cassez pas la tête. Tout ce qu'on veut c'est que Elio signe cette lettre, ou qu'il la signe pas, c'est à lui de voir. Nous, on en tirera les conséquences, voilà. Ah bon, bah, Loretto Conning, ça sera quand même là, au PS. Elle y tenait, on dirait, alors, voilà. Alors, ce qu'on va faire, devant le siège du PS, c'est vous lire cette lettre, puis on la remettra à Madame Conning, puisqu'elle sera là, et on viendra la reprendre lundi, à midi et demi, disons, signée ou pas. Voilà le programme. Alors, on y va ? Aujourd'hui, j'ai simplement lu un texte. Voilà. C'est tout, en fait. C'est vraiment ça. J'étais le contact pour un peu l'organisation. Je suis membre de Rotoscope, et c'est sur moi qui est tombé la fonction de prendre la parole. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont leur petit papier ici avec le chat ? C'est quoi le chat ? C'est difficile, mais ensemble. Il y a le GPS, on crée